je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Voilà, ça commence, je pense, à se savoir, j'espère en tout cas. Donc comme à chaque fois, nous allons nous intéresser aux jeux, qu'ils soient jeux de société, jeux de rôle ou jeux vidéo, voire même peut-être d'autres formes, qui sait. On ne sait pas, encore plein de surprises et je laisse... Donc Manuel, mon comparse, présentez le podcast du jour, le thème. Alors c'est un format un peu particulier aujourd'hui parce que on est juste tous les deux, on a des petites difficultés en termes de booking d'invités en ce moment. Mais même si lourd qui arrive. Voilà, c'est ça. On a quelques jolies pistes, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard ces dernières semaines. On voulait pas trop vous faire patienter, du coup on s'est lancé à enregistrer un numéro juste Adrien et moi. Et on est parti sur un thème qui nous est cher et qui va nous permettre quelque part de revisiter aussi des podcasts qu'on a déjà enregistrés précédemment. On va pas être dans le best-of, mais on va déjà commencer à s'auto-référencer comme des grands. Et on va parler aujourd'hui de narration interactive. Alors quand je dis qu'on va faire référence à des podcasts qu'on a déjà enregistrés précédemment, c'est parce que c'est un sujet auquel on a déjà touché un petit peu quand on a enregistré un numéro récemment avec Anthony Rajeul, donc sur la bande dessinée interactive, et même avec Florent Morin, bien entendu, quand on parlait de jeux du réel, de jeux d'information, puisque à nouveau, là, il y avait aussi ces idées de narration, narration interactive, de narration avec lesquelles on peut faire des choses qu'on a aussi pu évoquer éventuellement un petit peu avec Jérôme Larrey. Oui, alors, pour commencer un peu cette discussion, moi, je commencerai peut-être à décomposer chaque mot. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manuel, mais narration me fait beaucoup penser à communication, peut-être à tort. Communication, bon, en tout cas, dans mon esprit, c'est l'idée d'un émetteur et d'un destinataire, alors que narration c'est quelque chose d'au-delà, peut-être quelque chose qui se détache du feedback, c'est-à-dire de la réponse, justement de cette notion d'interaction. Et je sais pas toi, mais moi j'y vois une certaine contradiction dans narration interactive. Ouais, effectivement, je vois bien ce que tu veux dire. C'est vrai que la narration, à la base, c'est le récit. Et on a l'habitude, par usage, d'avoir affaire à des narrations qui justement ne sont pas interactives, qui sont le propos d'un auteur et dans lesquelles on va se déplacer à la vitesse et de la façon dont l'auteur l'a décidé. Si c'est pour un livre, on ne saura pas les choses avant de lire la page qui correspond à l'information au moment de l'histoire qu'on est en train de lire. On ne le saura pas en amont. Si c'est un film, c'est encore plus contraint quelque part, puisqu'on verra exactement les images qu'on a voulu nous faire voir, et puis dans l'ordre où on a voulu nous les faire voir. Donc, par essence, on ne verra pas aussi ce qu'on a voulu nous cacher, ou en tout cas ce qu'on a voulu ignorer. Alors effectivement, du coup, l'interaction là-dedans, c'est forcément un petit peu contraint quand on veut faire de la narration interactive, puisque justement, on a une contrainte forte qui est la liberté du spectateur, quelque part. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on fait un peu une sorte d'explication de l'histoire de la communication, enfin de la pensée de la communication, puisqu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, maintenant que j'y pense, c'est le schéma de Shannon et Weber, qui est le format donc émetteur-destinataire. Et après, il y a Wiener, un autre chercheur, qui justement a apporté cette idée de feedback, de retour, et justement d'interaction. Voilà, je ne sais pas, tu voulais ajouter quelque chose, je te voyais prendre le micro. Alors, En fait, de par ma pratique ludique, moi j'ai eu l'occasion de je vais commencer tout de suite avec mes grandes théories. J'ai eu l'occasion de voir une dichotomie entre, en gros, deux formes de narration qui peuvent exister dans différents jeux. On va se référer principalement au monde du jeu ici, puisque c'est quand même l'objet du podcast. D'un côté, on a en gros des narrations à explorer. Et de l'autre côté, des narrations à produire. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer et je vais prendre quelques exemples au passage. On va commencer par les narrations à explorer, celles qui sont, à mon sens, le mieux travaillées par le jeu vidéo. Les narrations à produire, c'est encore un petit peu compliqué. C'est des choses qu'on retrouve plus facilement en jeu de société ou en jeu de rôle. Donc, commençons par les narrations à explorer. C'est l'idée de dire que, justement, là où on explore une narration de façon linéaire dans une œuvre traditionnelle, dans une œuvre ludique, n'ayons pas peur des grands mots, on a quand même un choix de parcours. Alors, ça permet d'ouvrir différentes possibilités qu'on n'avait pas sur une narration traditionnelle. Ça permet d'ouvrir la question du choix avec l'idée d'embranchement. C'est des choses qu'on a un petit peu évoquées quand on parlait des jeux sonores, notamment avec cette idée de, mais qu'on retrouve aussi dans les livres dont vous êtes le héros, l'idée de voilà, j'ai mon histoire et puis quand je veux, des fois je peux choisir l'embranchement droite ou gauche, un ou deux, qui va m'emmener sur un bout d'histoire différent, qui va encore m'emmener sur un bout d'histoire différent, avec plein d'embranchements qui peuvent donner plein de récits différents, qui des fois vont peut-être se recroiser, se recouper, ou finalement on peut reparcourir le même récit plusieurs fois sans avoir tout à fait le même récit. En fait, on peut parcourir la même œuvre plusieurs fois sans avoir le même récit, voilà. Alors je vais faire un peu mon naïf, même si je vois à peu près où tu veux en venir, mais par exemple quand j'évolue dans un univers, je prends par exemple celui de World of Warcraft ou des Elder Scrolls, Oblivion, Skyrim, peu importe, est-ce que je suis dans une narration exploratoire, je sais plus ton terme exact. Ouais, pour moi on est vraiment dans cette idée là c'est-à-dire, alors certes, le fait d'agir dedans, le fait que le personnage, le joueur agisse dans l'univers produit son propre récit, mais fondamentalement, c'est quand même un récit qui est déjà écrit avant même que le joueur arrive, en fait. Il a été écrit par les concepteurs, et puis on va aller en découvrir différentes facettes, dans un ordre qu'on le souhaite, en allant voir certains chapitres ou pas, en développant certaines relations avec des lieux, avec des objets, avec des personnages ou pas. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de vraiment, on est vraiment dans l'exploration. Et pour le coup, dans un jeu comme Skyrim, c'est visuellement représenté par le fait qu'on explore un territoire, mais un territoire préexistant au personnage. C'est-à-dire que c'est pas parce que le personnage arrive que le récit existe. On pourrait parfaitement imaginer un univers comme celui de World of Warcraft ou celui de Skyrim avec juste des bots avec leur routine préétablie qui en gros produisent leur propre récit. Alors c'est un récit qui manque des éléments structurants du récit qui sont l'accident, l'élément perturbateur qui va enclencher les choses. C'est intéressant parce qu'en fait, pour le cas de Skyrim, donc ça, c'est de la série donc des Elder Scrolls, et les tout premiers, l'univers était gigantesque parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'aléatoires dans la création de l'univers et donc la création aussi des personnages qu'on pouvait rencontrer, ce qui créait aussi des histoires aléatoires. Et autre exemple plus récent, peut-être que ceux qui nous écoutent ont eu l'occasion de le tester, c'était Tower of Gun, qui est, a priori, un FPS avec un petit côté roguelike, dans le sens où chaque niveau est généré de manière aléatoire. Et la justification scénaristique de notre exploration, à chaque fois, est aléatoire. Ce qui donne des trucs totalement étranges, absurdes, mais au moins on peut dire je n'ai jamais eu la même histoire à chaque fois. Ouais, mais c'est exploratoire dans la mesure où l'univers préexiste au fait qu'on y joue. C'est-à-dire, au moment du chargement du jeu, l'univers se produit, se génère, qu'il ait été codé une bonne fois pour toutes par les développeurs ou qui fonctionne en procédural. En tout cas, le donjon, mais c'est vrai aussi dans les roguelikes quelque part, le donjon, il se génère avant qu'on commence à jouer. C'est vrai aussi dans des jeux comme Terraria par exemple, où on a une génération procédurale de l'univers, mais une fois qu'il est généré, il est généré. Et on est dedans et on va modifier des choses, indéniablement. Mais en tout cas, les éléments principaux de notre aventure sont déjà positionnés et c'est pas nous qui allons les produire. Je vais revenir après du coup sur justement la production de narration. Je voulais prendre d'autres exemples qui me semblent intéressants parce que là j'ai parlé des embranchements, mais il y a aussi, et c'est effectivement moins des embranchements que des cartes quelque part, des territoires à explorer. Et là on a vraiment la narration comme un territoire quasiment, des choses qu'on a, comme tu disais, dans Skyrim ou dans une certaine mesure dans World of Warcraft, mais qu'on trouve aussi dans des jeux avec des formes assez différentes. Je pense aux jeux de Simogo, que ce soit Sailor's Dream ou dans une certaine mesure, même si c'est pas tout à fait la même approche, Device 6, mais en tout cas c'est très très vrai sur Sailor's Dream, un univers qu'on va explorer, où on va choisir qu'est-ce qu'on va voir d'abord, puis on va circuler, on va choisir de rentrer ou pas dans tel ou tel lieu. On est vraiment dans quelque chose qu'on va, pour le coup, formellement explorer, quoi. Et du coup, il y a tout un tas de choses, effectivement, qu'on peut faire. On peut produire une carte et puis ensuite choisir ses entrées. Et quelque part, on est là, un peu dans la démarche d'un lecteur qui lirait une encyclopédie en choisissant un peu aléatoirement quel article, quelle entrée de l'encyclopédie il va lire, et donc il va découvrir un univers, que l'univers de l'encyclopédie, qui généralement est le nôtre, par exemple. On pourrait imaginer tout à fait, ça existe, des encyclopédies imaginaires où du coup on va rentrer dans l'univers comme ça par petites touches à droite à gauche, mais en tout cas on est dans une exploration qui n'est pas très structurée. Alors ça fait une narration un peu bizarre nécessairement, hein, puisque on va plus être témoin d'histoires qui ont déjà eu lieu que d'être acteur de l'histoire. Pour être acteur de l'histoire, on est dans des choses qui sont plus à embranchement. Je parlais des livres dont vous êtes le héros. C'est vrai dans un certain nombre aussi, dans toute la mouvance quelque part RPG en jeu vidéo, où on a une histoire qu'on va suivre et puis de temps en temps, on va prendre telle ou telle décision qui font qu'on ira à tel endroit et pas à tel autre. Et suivant la façon dont a été développé le jeu, on va avoir quelque chose de plus ou moins linéaire. Quand c'est très linéaire, il peut y avoir une petite frustration du joueur parce qu'on a l'impression que ses choix ont peu d'influence. Or, tout l'intérêt de l'interactivité, c'est que ses choix aient de l'influence. Quand on est dans quelque chose de beaucoup moins linéaire, on a effectivement, même si on n'a pas vraiment beaucoup plus d'influence, on ne fait que choisir entre un chemin A et un chemin B, pour caricaturer. Mais en tout cas, on a quand même cette liberté de dire mon récit il aura cette forme-là. Et je sais que si je relis la même œuvre après, le récit sera différent puisque j'aurai fait des choix différents. Alors, j'essaie de résumer ce qu'on s'est dit pour l'instant pour aborder un autre thème. On a vu donc la narration exploratoire, l'idée de procédurale en fait qui ne résout pas cette question de limite en fait du jeu, qui justement ne casse pas cette barrière de la limite. Une phrase très belle, non ? Et moi, j'ai envie d'aborder un autre thème qui est celui du machinima. Où là, en fait, le machinima, pour rappel, c'est ceux qui, pour caricaturer, font des films à partir notamment de jeux vidéo. Pas une caricature, c'est à peu près exactement ça. Hein. Voilà, c'était pour dire que moi, je connais pas beaucoup cette scène, la scène du machinima, parce que manifestement, il y a beaucoup une vraie communauté de créateurs de machinima. Et par exemple, là, je vois une association que je connais bien maintenant, qui est 3D Combo, qui est actuellement en train de faire un atelier avec des lycéens et voilà pour faire un mini-film de prévention contre les dangers du tabac. Qu'est-ce qu'ils ont choisi ? GTA qui, bon, plutôt des thèmes de gangsters. Et là, justement, ils se sont appropriés pour créer une autre narration qui est la leur, qui est celle de l'anti-tabac. Ouais, mais finalement, dans ce cas précis, en fait, le jeu vidéo, c'est juste un moteur. C'est-à-dire, on s'en sert comme on se servirait d'acteur, en fait. Fondamentalement, on est dans une approche qui est assez proche du cinéma d'animation et dans une narration traditionnelle. C'est-à-dire que si je fais un machinima, il me semble qu'on l'utilise comme un nom commun. Donc si je fais un machinima, je fais un film. Et les gens vont le regarder dans l'ordre où je l'ai donné. Enfin, quelque part, on se réapproprie les outils du jeu pour produire ses propres narrations. Mais c'est guère plus qu'un moteur physique, finalement. C'est des effets spéciaux. C'est des effets spéciaux ou c'est des moteurs de représentation d'effets spéciaux, sauf que ça génère pas que les effets spéciaux, ça génère aussi les personnages, les décors et tout l'ensemble. Alors effectivement, le fait de choisir un jeu comme GTA dans ce cas précis, une petite ironie qui est assez intéressante, mais Là, j'ai l'impression qu'on n'est plus vraiment dans la narration interactive, où on s'est emparé des outils du jeu qui produit lui-même de la narration interactive ou qui en propose pour en faire une narration traditionnelle quelque part. Mais est-ce que justement ce ne serait pas un méta-jeu en fait ? Ah bah si, indéniablement. Je pense que c'est un vaste sujet qu'il conviendrait d'explorer dans un prochain podcast. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu à côté du sujet puisque bah, justement, on a la narration, mais on n'a plus du tout l'interactivité. Pour le spectateur, le spectateur du machinima, il n'y a plus d'interactivité. C'est-à-dire qu'il est à nouveau devant un film. D'accord, en fait, c'est ce que je pensais être une narration, non pas exploratoire, mais j'ai oublié l'autre qualificatif que tu avais. Alors l'autre, j'avais pas, c'était en gros, j'avais exploration de la narration d'un côté et ouais, production de la narration de l'autre côté. Mais je vais, si tu veux, je peux. Je bah peux oui, voilà. Là, justement, on est dans la production pour, de ouais, narration. On est dans la à production partir... de narration, effectivement. Sauf que la limite de la chose que j'y vois, c'est que le jeu n'est pas conçu pour produire de la narration. C'est-à-dire qu'on utilise les outils du jeu et on les détourne pour produire une narration. Je vais te donner un exemple de jeu qui a vocation à produire de la narration. Et donc, on est réellement dans le cas d'une narration interactive, parce qu'en plus, ça se joue à plusieurs, il peut y avoir interaction entre les différents joueurs. C'est un jeu comme Il était une fois. Il était une fois, le principe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que chaque joueur a un certain nombre de cartes qui vont représenter des objets, des lieux, des personnages, des situations qui sont, dans le cadre d'Il était une fois, des lieux communs du conte de fées. Les joueurs ont une conclusion à leur histoire, et donc ils vont raconter les uns les autres, éventuellement s'interrompre les uns des autres, et ils doivent placer dans leur histoire des éléments qu'ils ont dans leur carte. Et si un joueur A cite, par exemple, je sais pas, un prince, et que le joueur B a la carte du prince, il peut poser la carte du prince et reprendre la suite de la narration. Là, la mécanique même du jeu sert à produire de la narration. Et globalement, c'est la mouvance de tout ce qu'on appelle le story game, le jeu d'histoire, qui est à mi-chemin bien souvent entre le jeu de société et le jeu de rôle. Et là, effectivement, le jeu a vocation à produire à produire purement de la narration, à produire du récit, et pas nécessairement lié au joueur directement. Le joueur, là, il est auteur, tu vois, pendant la partie. Dans le cadre du machinima, on pourrait avoir quelque chose de cet ordre-là si on avait, et ça existe probablement, des jeux où l'objectif c'est de filmer la partie et de produire un récit avec un système d'évaluation quelconque vraisemblablement qui permette de savoir si le récit qu'on a produit gagne ou ne gagne pas, si on est dans le principe d'un jeu avec gagnant, mais en tout cas il est intégré dans le jeu lui-même, qu'il est conçu pour ça, du coup ça permet aussi de mettre en place un certain nombre d'outils spécifiques pour ça, que ce soit dans le cadre d'un machinima par exemple, un outil pour le joueur de gestion des angles de caméra, en disant ouais, moi je vais raconter telle partie de l'errance de mon personnage vue à la première personne, parce que ça a du sens pour moi à ce moment-là, alors que telle autre partie je vais la travailler avec des longs travelling, parce que ça veut dire quelque chose d'autre. Et là on est vraiment dans une plateforme qui sert à produire du récit et du récit visuel. Je ne sais pas si je suis très clair. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais, mais je vois très bien où tu veux en venir. Et c'est intéressant le jeu que tu as pris, Il était une fois. Du coup, je me demande, par exemple, un jeu bien connu de ceux qui ont fait des colonies de vacances ou ceux qui ont fait les scouts ou je ne sais pas. C'est le Loup-garou. Est-ce que le loup-garou serait producteur de récits selon toi ? Parce que c'est un jeu de débat en fait. Ouais, c'est un jeu. Alors le loup-garou, c'est un jeu un peu piégeux en termes d'analyse. Le loup-garou, c'est un jeu qui est inspiré de Mafia, qui était un jeu russe à la base, sur les mêmes mécaniques, à savoir que on joue un groupe d'individus dans lesquels il y a des intrus qui vont éliminer les autres individus. Chaque joueur est un individu. Et le but des intrus, c'est de ne pas se faire remarquer, d'éliminer tous les autres. Le but de tous les autres, c'est d'essayer de débusquer qui parmi eux sont des intrus. Alors en soi, on sent confusément qu'il y a tous les éléments pour produire du récit là-dedans. Il y a des gentils, des méchants, il y a une communauté oppressée, il y a vraiment des atmosphères et potentiellement des récits. Sauf que la mécanique du jeu permet finalement peu de récits, puisque on alterne des cycles, en gros des cycles jour-nuit dans les loups-garous de Tiercelieu, avec la nuit les loups-garous qu'agissent, la journée les villageois qu'agissent, les gens discutent entre eux, mais j'ai pas l'impression, alors peut-être que c'est moi qui ai une vision étriquée de la narration, mais j'ai pas l'impression qu'on produise réellement du récit, c'est-à-dire qu'on est dans une élimination progressive, mais on aura jamais le fin mot de l'histoire sur la peine de cœur de tel ou tel villageois qui a vu sa femme partir et de savoir comment il lui vit ces choses-là, par exemple, tu vois. C'est là où je suis pas d'accord, parce que y a un deuxième facteur qui vient et dont on n'a pas parlé dans les jeux, je dirais, humains, des jeux de société ou les jeux de rôle, par exemple, qui est le roleplay. Alors oui, non mais pour le coup, les loups-garous, c'est rigolo parce que dans le cadre des loups-garous de Tiercelieu, en fait, ce qu'on constate, c'est que même s'il n'y a aucune règle qui régit ça dans le jeu, mais vraiment aucune, hein, les joueurs, certains joueurs, pas tous les joueurs, mais un certain nombre de joueurs se mettent à jouer leur rôle et dire « je suis pas seulement un villageois, je suis le boulanger » et attirer aussi leur argumentation d'un rôle qu'ils se sont auto-attribués, qui est en dehors des règles, parce qu'il y a effectivement des rôles avec des effets spéciaux dans les règles, mais là on parle bien de pure création de personnages, mais on constate que ça n'est pas dans les mécaniques du jeu. Alors, des extensions sont sorties, auxquelles j'ai moi-même pas eu l'occasion de jouer, mais qui permettent d'ajouter effectivement ce genre de choses. Alors, les extensions ont toujours vocation à rajouter des pouvoirs spéciaux et des interactions techniques, on va dire, entre les joueurs, mais en tout cas, à la base, c'était pas prévu. Sauf que, effectivement, de toutes les parties que j'ai pu faire, on constate bien souvent qu'un certain nombre de joueurs effectivement s'emparent de leur personnage et le font vivre et l'incarnent. Alors ça crée toujours un peu le même récit quand même, les loups-garous, puisque c'est toujours la même situation, les issues sont éventuellement différentes, d'un côté c'est les loups qui gagnent, de l'autre côté c'est les villageois en gros, hein. Mais on peut effectivement produire du récit, mais c'est presque, je vais pas dire aux dépens, mais à l'insu du jeu lui-même. Alors, ouais, non, si j'essaie de résumer très très vulgairement ce que tu as dit, tu dis. Ça va, tu vas dire pute merde et tout pendant. Non, non. C'est que, en fait, ce que tu viens de dire, c'est que dans un jeu. Un jeu comme le loup-garou produirait toujours la même histoire. Donc, en gros, soit les loups gagnent, soit les villageois gagnent. Mais deux minutes, c'est que, en gros, tu es en train de nous refaire cette rengaine de « non, mais de toute façon, rien n'a été inventé depuis la Bible et depuis le manuscrit de Gilgamesh ou je ne sais pas quoi ». Alors non, pas du tout, parce que comme je disais, je citais « Il était une fois » qui, pour le coup, est un jeu. Je ne dis pas que le jeu n'invente rien, hein, mais il ne propose pas d'outils de génération de récits. Il ne propose pas d'outils de génération d'une narration, on peut le faire, mais à nouveau, on peut le faire aux dépens du jeu, parce que je pense que les joueurs peuvent avoir une tendance à ça, qu'en plus, comme je disais, l'univers dans lequel on propose de jouer le loup-garou est, à mon sens, un terreau fertile d'histoire. Autre jeu que j'ai envie de soumettre à ta grille d'analyse, c'est les Sims. Quand on voit, par exemple, à quel point les gens s'en emparent, et son créateur lui-même était assez surpris, manifestement, des histoires que les gens sont créées, dit bah voilà, j'ai créé ma petite famille, ou alors au contraire, j'ai créé quelque chose de très différent de mon univers. Il crée des histoires, il y a génération d'histoires. Alors effectivement, il y a un cadre, il y a des textures, il y a un décor, etc. Mais mine de rien, il y a la création d'histoires. Non, je suis d'accord avec toi. Les Sims, c'est un des quelques cas de jeux vidéo qui produisent de la narration, à mon sens. Effectivement, sous un certain nombre de contraintes, mais je crois que c'est l'essence même du jeu d'histoire, du jeu qui vise à produire de la narration, que de mettre des contraintes. Non, il était une fois, on raconte des contes de fées, hein, on raconte jamais des westerns. Et on pourrait probablement faire un Il était une fois western en changeant les cartes et les lieux communs, mais il faut quand même réussir à trouver cet héros commun, cet imaginaire commun aux différents joueurs. Dans les Sims, effectivement, on a une génération d'histoires comme ça, et pour le coup, en plus, dans quelque chose de très contemporain, parce que c'est du récit de vie. Tu vois, l'histoire qu'on développe dans les Sims, c'est pas une geste épique, loin s'en faut. Mais oui. Et effectivement, j'avais pas pensé. C'est rare ce genre de cas dans le jeu vidéo, en fait. Alors, je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est rare, c'est pas grave pour autant. Parce que le jeu exploratoire a ses avantages, le jeu à narration exploratoire a ses avantages et ses inconvénients. Dans les inconvénients, il y a un certain manque de liberté quelque part ou de prise du joueur sur l'univers, alors que dans le jeu à production de narration, le joueur a profondément pris sur la narration puisqu'il la génère lui-même. C'est des choses qu'on trouve en jeu de rôle aussi pas mal, hein. On a des formes un peu, on dirait classiques de jeux de rôle qui vont être de la narration plutôt exploratoire avec des scénarios déjà écrits et des personnages qui vont aller explorer le scénario, un meneur qui va interagir avec les joueurs, et puis des choses plus ouvertes où les joueurs peuvent s'emparer de choses en dehors de leur personnage et commencer à ajouter des éléments d'univers, dire à tel endroit il y a un protagoniste et en plus je le connais et je vais aller interagir avec lui, mais c'est moi qui le place dans le récit à cet endroit-là, peut-être que plus tard il deviendra important. Donc là on est vraiment purement dans de la génération de récits. En jeu de rôle, quelque part ils le font tous un petit peu plus ou moins consciemment. Disons qu'il y a des jeux qui sont dotés d'outils pour encadrer cette pratique-là, même si on se rend compte à l'usage que... En fait, la pratique existe et à peu près toujours existé avec plusieurs facettes. Donc, cette première facette de joueur qui va commencer à amener des choses d'univers, amener des choses de récit en plus de son personnage, et puis aussi dans quelque chose de plus intime qui est lié au fait que le jeu de rôle passe principalement au travers de l'oralité. Du coup, la représentation personnelle qu'on se fait d'une situation que nous a décrit le meneur sera différente d'un joueur à l'autre pour la même description. Donc forcément, on n'y placera pas intérieurement les mêmes choses. Et quand on racontera le récit plus tard, on le racontera probablement pas de la même façon que l'autre, ce qui prouve qu'on a déjà généré du récit. Mais là, on est dans des phénomènes assez proches du roman, puisque dans le roman, même si on a une description précise d'un personnage quelconque, on s'en fera une image. La preuve en est que très souvent, hein, quand on va voir des adaptations de romans au cinéma, on se dit mais moi je ne m'imaginais pas du tout comme ça ce personnage-là. C'est ça fait très bien la transition vers ce où je voulais aller. J'allais te parler justement des cadavres exquis, de l'Oulipo, donc l'ouvreur à littérature potentielle, etc. Et notamment l'écriture sous contrainte. Est-ce un jeu ? Ah bah oui, enfin à titre personnel j'en suis persuadé. Je pense que des mecs comme Pérec ont un jeu avec eux-mêmes, pour le coup, ou à plusieurs pour quelques œuvres communes. Mais en tout cas, il y a la même idée. On est déjà dans les... c'est pas les prémices, parce que c'est quand même très très très abouti, l'Oulipo. Mais en tout cas, on est dans des fonctionnements qui sont très proches d'un certain nombre de jeux qui appartiennent à cette catégorie des story games. Donc des jeux qui ont pour vocation de générer des histoires, hein. Quand on dit l'évolution des personnages dans l'immeuble que je décris, elle va suivre la même règle de déplacement que l'évolution des pièces sur un plateau d'échecs en fonction de telle ou telle stratégie, on est effectivement dans un jeu d'auteur quelque part là-dessus. Donc oui, à ce moment-là l'auteur, et pour le coup c'est des auteurs talentueux, donc en plus ils peuvent faire des œuvres derrière qui ont du sens, l'auteur est en train de jouer au moment où il produit son œuvre. Si j'analyse un peu ce que tu dis, en fait, c'est en fait nous avons quelqu'un qui maîtrise les codes et les règles d'un art, et du coup s'en joue. En fait, là encore, on est dans le méta-jeu, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec GTA. Ou dans le sens où nous sommes face à quelqu'un qui s'approprie les codes, le matériel qu'il a devant lui pour créer. Alors, il s'impose des règles. Il s'impose des règles qui sont en dehors des codes. C'est-à-dire qu'il suit la grammaire, globalement. On sait qu'il y a de la triche aussi avec ça. Dans la disparition, bien sûr, il y a des E. Il n'y a pas de E, des fois, à des endroits où il devrait y en avoir. Hein. Mais en tout cas, il s'impose des règles. Et ensuite, il joue avec ces règles. On est quand même dans la définition presque classique du jeu là-dedans. et réellement, la disparition, c'est ça. C'est, je m'impose une règle qui n'est pas une règle de français, parce que son support de base, c'est le français, point barre. Et donc, il suit la grammaire, il suit la syntaxe, il suit plein de choses, et puis il dit, moi, je vais me rajouter une règle, j'enlève les « e ». Et je vais jouer avec ça, et du coup, je vais parler d'une disparition, alors que moi-même, j'ai fait disparaître une lettre. Donc, on est dans quelque chose de, effectivement, un peu... comme on dit de nos jours, méta, mais en tout cas, ouais, moi je crois profondément que là on est dans la démarche du jeu parce qu'on impose des règles sur quelque chose. Et je crois que c'est pas tout à fait pareil. Enfin, vraiment, le machinima, je trouve que c'est très intéressant, hein, le machinima, mais. C'est là que ça sent mauvais. Mais en fait, c'est juste qu'on a un moteur pour faire du dessin animé, quoi. Enfin. Je trouve que c'est plutôt que de faire des dessins ou plutôt que d'utiliser des logiciels dédiés pour créer des personnages et les faire bouger comme ils le font par exemple chez Pixar, j'ai utilisé un moteur qui existe déjà, qui permet déjà de faire bouger des squelettes et des personnages, de placer des objets, de faire des prises de vue, et avec ça, plutôt que de juste jouer et traverser le jeu en fonction du récit qui m'est proposé, moi je vais aller créer mes propres récits. Enfin, c'est un moteur d'animation fondamentalement. J'ai pas l'impression, mais peut-être que je me trompe complètement, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus que ça. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est la démarche, le fait de réinvestir. Mais quand on fait du machinima, la seule chose qui reste du jeu, c'est l'aspect. Sauf si on décide d'écrire sous contrainte ou on recrée un nouveau jeu, mais qui est un jeu d'écriture, bien sûr. Hein, mais en tout cas. Par rapport au jeu originel, la seule chose qu'on a en commun réellement, c'est l'aspect, c'est le rendu graphique. Et quid des bacs à sable et des jeux dits bacs à sable, on a GTA est contesté pour cette appellation, mais un jeu comme Minecraft ou Terraria qu'on a cité tout à l'heure, qui sont vraiment des jeux bacs à sable, on peut construire vraiment, on peut forger le terrain qu'on explore. Et en plus, l'exploration procédurale dans le cas Terraria et Minecraft, ça plus les modes, faut pas oublier, on peut jouer à Minecraft avec des super graphismes et non pas des gros pixels qu'on connaît. Ça démolit un peu, tu démolis un peu tout ça, j'ai l'impression. Ah bah non, j'ai pas le sentiment que Minecraft dote le joueur d'outils pour produire du récit. Il se le crée lui-même. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que les joueurs s'emparent du jeu et rajoutent une couche de jeu supplémentaire où ils produisent du récit. Je ne sais pas s'ils encadrent cette production par des règles. Ça dépend des joueurs. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que propose le jeu. C'est ce qu'en font les joueurs. Et c'est très bien, hein, je ne remets surtout pas ça en cause. Mais effectivement, bah après, c'est vrai qu'on a deux grands modes de bac à sable. Il y en a un qu'on appelle plus open world, mais c'est la... Fondamentalement, quand on revient au basique du bac à sable et des choses qu'on voyait, je vais faire presque mon vieux con, mais qu'on voit depuis notamment une trentaine d'années en jeu de rôle, c'est-à-dire que d'un côté, on a un univers très décrit, les joueurs vont aller circuler dedans, c'est Skyrim, c'est GTA, et aller à des nœuds de conflit et pénétrer les nœuds de conflit et rencontrer des personnages et interagir et devenir en soi partie de l'univers. Et faire bouger l'univers avec eux. Et puis de l'autre côté, on a des jeux qui sont effectivement beaucoup plus proches du bac à sable tel qu'on l'entend pour les enfants, à savoir une étendue neutre dans laquelle on va produire du récit, mais à laquelle, quand on arrive, il n'y a rien du tout. Enfin, dans laquelle il n'y a rien du tout quand on arrive. Et c'est là où on va construire des choses. J'ai l'impression que la première étape dans un Minecraft, avant éventuellement commencer à produire du récit, et pourquoi pas tourner des machinima, c'est de commencer à bâtir le décor. Mais comme avec les Lego, on peut tout à fait se produire des super histoires, et pour autant, les Lego eux-mêmes, le jeu Lego ne propose pas un encadrement de production d'histoire. En fait, on donne une pâte à modeler et on dit aux gens amusez-vous avec et inventez-vous vos histoires. Mais le jeu pousse. J'ai pas l'impression que le jeu pousse vraiment à ça. C'est la capacité naturelle ou pas des gens à s'en emparer qui va faire les choses. C'est-à-dire que on ne peut pas jouer à Il était une fois sans produire d'histoire. Tu vois, Alors qu'on peut jouer à Minecraft sans produire des histoires. C'est là où je fais la différence, en fait. Alors, du coup, cela voudrait dire que, en fait, pour faire une classification des jeux, il faudrait peut-être rajouter cette analyse-là, le fait qu'il y a des jeux peut-être narratifs et non narratifs, et après, dans les jeux narratifs, il y a des narrations exploratoires et des narrations, j'allais dire productivistes, mais c'est peut-être pas le bon. Ah bah ouais, bon. Non, mais évidemment, parce que si je joue à puissance 4, c'est quand même assez peu narratif, même si j'ai assez peu de doutes sur la capacité des scénaristes de cinéma de nos jours à adapter à peu près n'importe quel jeu en film, ce qui prouve qu'à un moment, on peut réinvestir du récit dans tout. Minecraft va avoir son adaptation au cinéma. Oui, non, et puis la bataille navale a eu son adaptation au cinéma. À partir de là, on peut tout faire. À partir du moment où la bataille navale a eu son adaptation au cinéma, où je sais pas si c'est le cas pour Tetris, mais il me semble avoir entendu des rumeurs comme quoi il y avait des choses. Alors quand on commence à adapter Tetris en film, si tu veux, on peut vraiment aller très très loin en termes de rajouter du récit sur des choses qui n'en ont pas à la base. Mais effectivement, il y a des jeux non narratifs. Et puis dans les jeux narratifs, effectivement, il y a des jeux où on va plutôt explorer un récit qui nous est proposé par quelqu'un d'autre, et des jeux où le but, c'est en soi de produire un récit soi-même. Et en jeu de rôle aussi, on retrouve cette séparation entre d'un côté des choses qu'on appelle de nos jours plus bac à sable, c'est un peu abusif, mais en tout cas émergentes, où le récit va se produire à la table de jeu pendant la partie avec les joueurs, et on va produire le récit, ça fait partie du jeu que de produire le récit et l'univers, et puis des jeux où les choses sont déjà en place, où les grands secrets sont déjà en place, où on sait, ou en tout cas le meneur peut savoir quelle tête a à peu près n'importe quel personnage important de l'univers. Pardon. Et donc là, du coup, on va explorer ce qui est déjà préexistant. Ça a quand même un avantage indéniable, l'exploration, c'est qu'on peut rentrer dans la notion d'auteur. C'est-à-dire que dans un jeu où le but c'est de produire du récit, la notion d'auteur, elle est difficile à trouver, puisque finalement, ce qui produit le récit, ce sont les joueurs par les outils du jeu. Donc on a un auteur du point de vue game design, mais on peut plus difficilement proposer un univers avec sa patte particulière, avec ses obsessions particulières. Par exemple, Skyrim propose quelque chose, c'est-à-dire que on est dans une atmosphère tout à fait spécifique, et c'est parce que l'auteur du jeu nous propose cette atmosphère, mais quelque part, un jeu comme Diablo aussi, c'est le cas, on est dans une atmosphère bien donnée, parce que l'auteur du jeu nous a proposé une atmosphère, nous a proposé sa vision, ses obsessions. C'est moins le cas, à mon sens en tout cas, c'est moins le cas dans un jeu où les joueurs produisent la narration, parce qu'ils vont éventuellement avoir des outils qui vont les aider à produire la narration avec des motifs, éventuellement avec des personnages à placer, ce genre de choses. Donc déjà, des petits bouts d'atmosphère, mais il faut vraiment que les joueurs se mettent en phase avec quelque chose qui ont été proposés pour retrouver un peu une idée d'auteur. Mais c'est quand même très confus, puisque bah, y a forcément plusieurs auteurs, dans la mesure où chaque joueur est un auteur sur ce genre de jeu. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là, mais je voulais revenir à ma grille d'analyse. Moi, je trouve ça, reviens donc. Je trouve ça toujours intéressant, justement, d'essayer d'analyser le jeu avec des grilles d'analyse, puisque c'est un peu le but aussi de ce podcast. Tout à l'heure, je parlais de jeux non narratifs et de jeux narratifs. En fait, est-ce qu'on n'est pas, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en fait dans la vraie dichotomie entre le game et le play? On a eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres podcasts, mais je vais rappeler, dans le sens où le game, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des conditions sine qua non pour, qu'il faut respecter pour jouer, et le play qui est la mise en œuvre des actions. Je ne sais pas si je résume bien. Si, c'est ça. Est-ce qu'on est justement, on n'est pas là-dedans. Donc, dans un système de règles pur, voilà le puissance 4 du jeu, le jeu de cartes. Le jeu de cartes, c'est très mathématique. Aucune narration. Mais voilà, il faut juste se contenter de bien respecter les règles techniquement pour gagner, avec après plus ou moins d'habileté. Et le play, où là, justement, ça va être quelque chose d'un peu plus, flou, un peu plus sur le ressenti. Oui, t'as raison. Le fun. Voilà, c'est peut-être que en fait. Oui. Tu as raison. Ce que je décrivais de pratiques de joueurs qui sortent du cadre des règles de jeu pour rajouter une couche de narration sur un jeu qui à la base n'en requiert pas. On est très exactement là-dedans. Il y a une pratique du jeu qui va rajouter des choses qui ne sont pas prévues par le jeu. Moi, c'est vrai que j'en suis resté un peu basiquement au jeu tel que, à la pratique du jeu telle que définie dans les règles. C'est-à-dire que sinon, on est dans un autre jeu en fait. C'est-à-dire que si on rajoute des choses en plus des règles, on joue plus tout à fait au jeu qui est prévu par les règles elles-mêmes. Et moi, je m'arrêtais effectivement sur des jeux où d'un côté, on a des règles qui permettent effectivement d'explorer du récit pour des jeux toujours qui proposent de la narration. Hein. Et puis de l'autre côté, des joueurs qui vont permettre de produire de la narration. Et de toute manière, je suis persuadé que la frontière est poreuse entre les deux. Hein. Il y a des courants de part et d'autre, même s'il y a toujours des jeux qui se situent un peu à la lisière. Et c'est la... Enfin, c'est logique en même temps. C'est quand même la nature même d'une production humaine que de pas être toute noire ou toute blanche, quoi, qu'à un moment on puisse aller chercher dans l'entre-deux. C'est, ouais, effectivement, dans, je pense que la capacité de créer de la narration de l'homme est assez infinie. On voit bien sur des jeux qui, simplement en regardant de loin, peuvent paraître totalement abstraits, qui au final, quand on y joue, trouvent du... Et c'est le cas, par exemple, je pense... Le Cap-là et les Lego, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Ça, ou même, je pense à des jeux, un jeu de plateforme pure comme Thomas Was Alone, qui au final raconte des histoires d'amour, des histoires extraordinaires, avec des cubes, des rectangles. Ça, ou même, tu m'avais fait découvrir... Pretentious Game. Pretentious Game, qui est assez génial. Mais Pretentious Game propose un récit, c'est-à-dire que... Justement, on crée du récit à partir de trois fois rien, ça qui est fou. Eh bien, moi, je trouve qu'on ne crée pas de récit. Dans Pretentious Game, on ne crée vraiment pas. C'est-à-dire qu'on a des plateformes... L'auteur a créé du récit. Ouais, voilà. Et là, quand je parlais d'une démarche d'auteur, tu vois, là, on traverse le récit, la narration que nous propose un auteur. On joue dedans, on interagit dedans, mais finalement, c'est un platformer assez basique hein, dans la mécanique. Mais en tout cas, à aucun moment, le joueur ne peut changer le récit d'une quelconque façon. Ce qui est intéressant... C'est dans le cas de Pretentious Game, un jeu que je ne saurais trop vous recommander, ne serait-ce que pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le hiatus qu'on trouve entre un platformer basique à base que de cubes très sobre, très froid, et en même temps un récit qui va nous permettre de comprendre les règles qui régissent ce platformer, qui lui est un récit qui parle d'amour, de sentiments, de tristesse, de choses très, très dans l'intériorité finalement. Et puisqu'on en est à la démarche d'auteur, et là où je voulais aussi nuancer ton propos, c'était au niveau, tu disais que sur les jeux à narration productiviste, même, j'arrive toujours pas à trouver ce... À production de narration, effectivement, ça, le terme est sans doute meilleur. Tu disais que l'aspect de l'auteur était beaucoup moins possible, en tout cas plus compliqué. Et là-dessus, je te contredirai un peu, parce que par exemple, dans le cas des Sims que j'ai cité tout à l'heure, il s'avère que c'est pas exactement ça. Alors, on peut le lire dans La philosophie des jeux vidéo de Triclo, ou même dans Buzz de Frank Rose, deux bouquins que je vous conseille. Il semblerait que l'auteur des Sims donc ait lu les théories de Maslow, la pyramide des besoins, voilà, comme quoi l'homme a des besoins primaires, secondaires, etc., qui le conduirait au bonheur. Et donc après, l'auteur serait parti de cette vision très très particulière des besoins humains, dans le sens où voilà, il y a une hiérarchie des besoins, et du coup on a fait un système dans lequel on doit se débrouiller. Et justement, il était étonné de voir un jeu où on doit justement faire fonctionner au mieux un système à un jeu en fait qui a été détourné par ses joueurs, dans le sens où ils ont produit du récit là-dessus. Sur un pur jeu de gestion, ils en ont fait un jeu d'histoire. En fait, je me tire un peu une balle dans le pied en plus quand je dis ça, parce que en jeu de rôle, les jeux sur lesquels je travaille moi-même sont plutôt des jeux où on essaye de laisser une grande part du récit aux joueurs. Et du coup, j'essaye quand même d'y mettre une patte d'auteur. Mais en fait, effectivement, on peut donner un contexte. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple d'un jeu de rôle que je connais bien, qui s'appelle Ultrae, qui est sorti chez l'éditeur John Doe, on est dans un sandbox. On est dans un sandbox, donc un bac à sable, où l'univers est défini à grands traits, mais pas plus que ça, enfin, c'est-à-dire on définit quelques communautés importantes sur un territoire donné. La plupart des zones ne sont pas du tout définies, elles vont être définies pendant les parties et le plus souvent, très très très grande majorité, par les joueurs. Donc le meneur n'aura pas de prise sur ce que les joueurs vont raconter. Cela dit, les outils font que on sait qu'on va se placer dans un univers qu'on qualifiera de donjonnant, c'est-à-dire qu'il va tirer ses références de Donjons et Dragons, qu'on va y retrouver des créatures pour la plupart un peu dans cet ordre-là, dragons et compagnie. On va pas jouer du polar. Enfin voilà, on est dans une forme de récit avec quand même des choses qui se dégagent. Et on voit bien que des joueurs qui n'ont pas les références sont un peu perdus. Je pense que quelqu'un qui n'aurait jamais entendu un seul conte de fées de toute sa vie serait très très désarmé pour une première partie d'Il était une fois. Il y a besoin d'un imaginaire commun entre les joueurs et il y a une atmosphère commune. Mais je crois qu'on ne peut pas aller aussi loin que quand on est un auteur, qu'on dit « moi je vais faire Device 6, produit par Simogo pour plateforme mobile, où là je vais avoir un récit avec une architecture dans le récit qui n'est faite que de textes qu'on va faire défiler, où on va aller chercher dans le texte des informations pour des énigmes, et où en même temps tout ce texte raconte la déambulation d'un personnage donné. » Et là pour le coup, je prends l'exemple de Device 6 parce que on est dans une œuvre littéraire qui se ferait passer pour un jeu. Donc là, on est vraiment dans l'exact opposé, tu vois. Et là, on est dans la patte d'auteur, c'est-à-dire que chaque mot du récit a été choisi par l'auteur. Oh, certes, mais la vision d'auteur, tu disais, j'ai oublié le nom du jeu de rôle dont tu parlais. Ultrae. Dans le cas d'Ultrae, en fait, la génération d'histoire, la production d'histoire se fait grâce à des outils, mine de rien, des outils culturels qui sont l'univers, par exemple, Donjons et Dragons. Dans le cas des Sims, l'outil de production d'histoire est justement ce que je disais tout à l'heure, cette notion des besoins humains, comme quoi les besoins humains sont quantifiables et hiérarchisables. Et en fait, justement, la signature d'auteur, donc de Ultrae, serait comme quoi, bah voilà, si on se balade, on tombe sur des méchants. Et la signature de l'inventeur des Sims serait, quand on essaie de quantifier les besoins, et ben en fait, c'est le bordel. Ouais, non, mais c'est possible, hein. C'est possible qu'effectivement, de par les quelques axiomes qu'on place à l'univers, en soi, on définisse une patte d'auteur. J'ai quand même, à titre personnel, le sentiment que c'est un peu léger, que ça permet effectivement de donner une direction, mais pour moi, on ne ressent pas autant la marque de la personne qui a produit l'œuvre et ce qu'il a travaillé et ce qu'elle a voulu dire. Enfin, je trouve qu'on le sent moins dans un jeu à génération de récits que dans un jeu exploratoire où là, justement, il nous dit « regardez, voilà, c'est moi, je caricature un peu, hein, mais l'auteur nous dit voilà, c'est moi, le jeu là, c'est moi, allez explorer, allez découvrir qui je suis, ce que j'ai mis de moi dedans, quoi. Peut-être c'est juste plus évident, hein, mais il me semble quand même que pour un auteur, c'est plus. On peut plus se raconter à travers un jeu exploratoire qu'à travers un jeu de production de récits. Ouais, on peut plus se raconter sa propre intériorité en tant qu'auteur, parce que c'est son récit à soi qu'on propose, avec ses alternatives, avec ses circulations, mais on contrôle tout ce qui est dedans. C'est une question intéressante, je crois. Mais les Sims jouent un peu avec la limite, parce que dans les Sims, par exemple, on peut pas fabriquer ses meubles, tu vois. C'est les rares règles, comme je pense, très à ces règles. Ouais, aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, on peut générer du récit, tu vois, mais on génère du récit avec un certain nombre de briques finies. On a un certain volume de Lego. Effectivement, dans les comportements, dans les comportements. Pareil, on retrouve un certain nombre de comportements finis, donc on va jouer avec ces briques-là. Mais ça, c'est inhérent au jeu, je pense que... Le système, hein. Ouais, c'est inhérent au jeu vidéo, je crois, à l'heure actuelle, en tout cas. Il y a quand même assez peu de jeux où, sans avoir à passer par du recodage, on peut dire, non, ce truc-là, en fait, je voudrais qu'il se comporte plutôt comme ça dans mon jeu que comme ça a été prévu par le créateur du jeu. Et ça existe, c'est le modage. Mais ouais, ça demande à rentrer dans le code. C'est pas le joueur qui le fait au moment où il joue, en fait. Ça demande de l'avoir préparé en amont, tu vois. Mais c'est normal, le jeu de rôle, le jeu de société, mais surtout le jeu de rôle, a la plasticité du fait de ne se baser quasiment que sur de la parole, qui fait qu'on peut changer les règles au fur et à mesure de la partie sans que ce soit un problème. Et sans que ça ait été prévu avant, parce qu'en jeu vidéo on peut changer les règles au fur et à mesure de la partie, mais généralement quand ça arrive c'est que ça a été prévu dans la création du jeu lui-même. Ou alors c'est de la triche. Oui, il y a aussi de la triche. Il n'y a pas que de la triche, c'est une des incarnations du fait de changer les règles au fur et à mesure de la partie, mais c'est pas la seule. Je pense qu'il y a des... moi j'ai souvenir d'avoir joué par exemple à... Blocks That Matter. Alors je ne saurais plus redire le nom du studio qui l'a fait. Submarine, Yellow Submarine, quelque chose comme ça. Dans Blocks That Matter, donc on joue un petit robot avec une perceuse à la place du nez qui va aller casser des cubes. Et au début, on a une perceuse de base. Et donc il y a tout un tas de cubes auxquels on peut pas accéder, et notamment des cubes spéciaux. Dès les premiers niveaux, on les voit. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir passé très longtemps, obsessionnellement, à me dire « Mais comment est-ce que je vais accéder là ?» Et en fait, c'est en ayant passé 3, 4, 5, 6, 10 niveaux après qu'on récupère la bonne perceuse, qui va permettre de revenir au premier niveau, mais revenir dans le jeu. C'est-à-dire que ça, c'est pas, on ne refait pas tout le parcours. On revient au menu de sélection, on dit « Hop, je vais refaire ce niveau-là, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà résolu, et je vais aller chercher le cube spécial. » Et là, quelque part, les règles ont changé. Là où ces cubes-là que je ne pouvais pas casser avant, maintenant, je peux les casser. Donc, c'est l'exemple que je donnais pour... Des fois, les règles, elles changent au fur et à mesure du jeu. C'est pas de la triche, mais c'est prévu dans le jeu. C'était prévu à l'écriture du jeu et en amont. C'est pas quelque chose qui se décide au moment où on joue. Et le jeu de rôle a, parce que l'interface qu'on a en face de soi, c'est un être humain, cette plasticité-là qui a ses limites, parce que du coup, à nouveau, on a un petit peu moins la patte d'auteur. Et c'est une problématique de plein d'auteurs de jeux de rôle que de dire comment je vais passer, moi, ma démarche d'auteur, sachant que ça va être transcrit par quelqu'un d'autre. Dans un système interactif avec de la génération de récits, à quel moment là-dedans on retrouve encore ce que moi j'ai voulu y dire? Et c'est très compliqué, mais en jeu vidéo par contre on peut effectivement proposer un jeu comme The Sailor's Dream, où on sait que les joueurs ne vont faire que ce qui est prévu dans le jeu et ils vont vraiment explorer ce que le récit que la personne a voulu faire, et en l'occurrence un récit avec des bouts de texte épars qu'on va découvrir dans l'ordre qui nous sied, et du coup, on va reconstruire un petit peu le récit des personnages qui sont évoqués dans ces bouts de texte. Autre facteur qui peut aussi changer les récits en cours de route, c'est l'intelligence artificielle. Et notamment la gestion de l'agressivité, par exemple. Enfin, ça se voit très bien dans les FPS ou les jeux de shoot en général. Où en fait, voilà, plus on tue d'ennemis, plus les ennemis qui arrivent sont agressifs et du coup changent un peu le scénario. Alors moi, c'est un truc qui m'a marqué, mais dans Mario Kart. Dans Mario Kart, ça m'a toujours énervé à un point incroyable. Quand t'es nul, t'es jamais vraiment dernier. Quand tu joues avec que des bots, hein, j'entends. Quand t'es nul, t'es jamais vraiment dernier, parce qu'il y en a toujours qui sont plus nuls que toi. Mais quel que soit ton niveau de nullité, quasiment. Et quand t'es bon, c'est toujours galère. Même si tu les défonces en vrai, mais c'est juste que effectivement leur niveau technique s'ajuste pour que ce soit jamais trop. Je leur ai tous mis un tour et puis c'est réglé, quoi. Et effectivement, il y a cette idée que là le récit s'adapte à ce qu'on fait. À nouveau, c'est forcément prévu en amont, mais voilà, je pense que qu'on va continuer à aller vers des IA qui vont avoir une telle adaptabilité que on va commencer à produire des récits qui seront différents les uns des autres dans un même jeu potentiellement exploratoire à la base, et on va commencer effectivement à rajouter des choses qui n'étaient pas... Le jour où on commencera à rajouter des choses qui ne sont pas prévues par le mec qui a codé le jeu, alors ça existe déjà les glitches, hein, Mais des glitches significatifs, tu vois, des trucs parce que l'IA, à un moment, elle dit tiens, tel PNJ, personne ne l'a jamais prévu au moment du code du jeu. Mais en fait, PNJ, ça veut dire personnage non joueur. Donc c'est le personnage, enfin protagoniste machine, en gros. Il va tomber amoureux de ton personnage. Ça n'a jamais été prévu dans le jeu, mais à ce moment-là, l'IA dit ah, ça, je trouve que ce serait logique comme comportement pour ce personnage-là et que ce serait intéressant. Mais ça demande quand même des sacrés IA, je pense qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Et le jour où elles seront capables de faire ça, je pense qu'il faudra quand même commencer un petit peu à s'inquiéter, parce que Matrix ne sera pas loin. Eh ben écoute, ce matin, j'entendais que on faisait de plus en plus de progrès, enfin la recherche faisait de plus en plus de progrès dans les IA auto-apprenantes, donc espérons-le un jour, qu'un jour en tout cas, dans un système de jeu, l'intelligence artificielle puisse peut-être se rebeller contre le système dans lequel elle a été construite. Bah oui, ça me semble effectivement une bonne conclusion. Dans le cadre d'un jeu, sinon dans la vraie vie, c'est pas voilà, tout ce qu'on peut espérer, c'est que les IA vont se développer jusqu'à ce qu'on puisse jouer avec elles, en espérant qu'elles en restent là et qu'elles décident pas de conquérir le monde. On verra. Je pense qu'on a, on a exploré beaucoup de choses. Est-ce qu'on a produit ? Je ne sais pas. On a, en tout cas, lancé des pistes de réflexion qu'on aura sans doute l'occasion d'explorer dans de prochains podcasts. Ouais, j'ai déjà en tête des invités avec qui on pourra rediscuter de ce genre de choses et s'écharper joyeusement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était donc Adrien Emmanuel pour le podcast Ludologie. Rendez-vous donc dans 15 jours, voilà, pour plein de bonnes choses, je ne vous dis pas parce que... Ah, il est tout excité, là, vous verriez, il est... Ah bah oui, il a un bah forcément, c'est non, on a quelques chouettes invités prévus, ça va être intéressant, des nouveaux, des vieilles connaissances et puis des sujets qui vont être bien. On va vous gâter. Et voilà, donc bref, restez branchés, restez à l'écoute, continuez de jouer, jouez bien, jouez à plein, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez. Bref, jouez.